إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc aujourd'hui on commence le cours numéro 5 dans l'explication de l'introduction à la science du fiqh. L'introduction à la science du fiqh. Et c'est bien de commencer par un livre qui explique les bases du fiqh, pour que par la suite, lorsqu'on étudie le fiqh, on a une compréhension plus profonde de la réalité de ce que c'est et de ce que ça signifie. Et donc, dans chaque science, il y a toujours une introduction. Il y a toujours un madkhal, une entrée, une introduction à cette science. Dans la grammaire, il y a un madkhal. Dans le fiqh, il y a un madkhal. Dans le hadith, il y a un madkhal. Dans chaque science, dans l'aqidah, il y a un madkhal. Il y a un madkhal dans toutes les sciences, il y a toujours une introduction. Et l'introduction, c'est les principes de base qui te permettent de comprendre comment cette science-là, elle est, comment elle fonctionne, puis comment en profiter. Et ça te facilite beaucoup les choses, parce que ça te donne les principes élémentaires, les choses les plus nécessaires à connaître pour être capable d'avoir des bases solides dans cette science-là. Et donc, ce livre-là, il est très bénéfique dans ce sens-là, puisqu'il te donne les notions de base. En fait, c'est ça l'introduction, c'est les notions de base pour être capable de comprendre une science. Il y en a, même dans les sciences de la dunya, même dans les choses qu'on apprend qui ont rapport avec les choses de la vie de tous les jours, il y a toujours une introduction. Que ce soit, tu vas prendre des cours de cuisine, des cours d'informatique, des cours de mathématiques, des cours de sciences, physique, chimie ou autre, il y a toujours des notions de base à connaître. Donc c'est un petit peu ça, c'est un petit peu comme ça. On a commencé à expliquer, donc depuis quelques cours, on parle des références du fiqh islamique. C'est basé sur quoi les références du fiqh? Les bases du fiqh, c'est, on a mentionné que c'est basé sur quatre sources, quatre références. La première, c'est le Coran, la deuxième, c'est la Sunna, la troisième, c'est l'ijma, le consensus, on a parlé de ça la semaine passée, et al-qiyas. Al-qiyas, on a dit, c'est les analogies, et on va donner les définitions et tout ce qui a rapport avec ce sujet aujourd'hui, inshallah. Donc, le cheikh Suleyman Balkhayl, Abba Khayl, qui est le directeur de l'université islamique, l'université de Médine, le directeur de l'université de l'imam Mohammed bin Saoud à Riyad, il a écrit ce livre, Suleyman Abba Khayl. Et c'est lui qui l'a écrit. Maintenant, il parle du qiyas aujourd'hui, et donc on va lire ça ensemble. Premièrement, la définition, ta'rifuhu. ما هو القياس؟ هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. C'est une définition qui est très simple, mais en même temps il faut comprendre les termes qui sont mentionnés dedans. هو حمل فرع, c'est-à-dire Je vais expliquer les termes comme ils sont définis pour qu'on puisse les comprendre plus facilement. Dans la définition du qiyas, dans la définition du qiyas, il y a quatre termes importants à comprendre pour être capable de comprendre la définition. Le premier, c'est al-asl. Le deuxième, c'est al-fara. Le troisième, c'est al-hukum. Et le quatrième, c'est al-illa, ou bien al-jami'. Ici, dans la définition, c'est le terme jami' qui est employé. Mais je pense que pour vous donner la définition, au lieu de le traduire tel quel, parce que si je le traduis, yani je ne pense pas que vous allez comprendre beaucoup plus qu'est-ce que ça signifie, si je traduis littéralement qu'est-ce que ça signifie. Donc je vais vous donner un exemple de la traduction littérale, qu'est-ce que ça donne. Donc c'est de placer une branche sur une base dans un verdict à cause de quelque chose qui les réunit. À cause d'une chose qui les réunit tous les deux. Donc, comme vous voyez, c'est assez théorique, c'est assez abstrait, donc c'est difficile à comprendre. Mais si je vous donne un exemple, des fois ça facilite. En fait, c'est que une base, c'est quoi? C'est la chose sur laquelle il y a un verdict qui est établi par un texte. C'est-à-dire, par exemple, l'interdiction de l'alcool. L'interdiction de l'alcool, c'est quelque chose dont le verdict est connu parce qu'il y a un texte du Coran, un verset dans le Coran qui est clair et explicite, qui mentionne que l'alcool est interdit. Donc, ça c'est ce qu'on appelle une base. Dans cette définition-là, ça c'est une base. Maintenant, al-far, ça c'est la branche. C'est la chose au sujet de laquelle il n'y a pas de verdict explicite mentionné. Et dans ce cas-là, on pourrait dire, par exemple, pour donner un exemple, quelque chose au sujet duquel il n'y avait pas dans les textes du Coran de la Sunna un verdict clair ou explicite à son sujet. Par exemple, on va dire, je ne sais pas moi, la cigarette ou bien la cocaïne. Chose que les gens peut-être ne connaissaient pas exactement au temps du prophète sur l'ensemble et qui n'est pas mentionné dans les textes de façon explicite. Donc, ça c'est al-fara. On a besoin d'un verdict pour cette branche. Al-hukum, le verdict, c'est qu'est-ce qu'on essaie d'établir. On essaie de savoir c'est quoi le jugement de la charia par rapport à cette branche. Par cette chose qui découle de cette base. On veut savoir c'est quoi son verdict. Et pour établir le verdict, on veut créer ou on veut chercher une relation entre les deux. C'est-à-dire, c'est quoi la relation qui existe entre l'alcool et la cigarette ou la drogue qui va faire que cette chose-là, elle devient haram. Et en particulier la drogue, parce qu'il y a un lien explicite entre les deux, c'est qu'elles font que tu perds ta conscience, que tu perds ta raison, et donc c'est quelque chose qui est intoxicant. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux, et c'est ça le lien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-illah. Al-illah. Et c'est, si on veut établir un verdict à propos de quelque chose qui n'est pas défini avec un verdict spécifique dans la charia, en se basant sur quelque chose qui a été défini par la charia, et il y a un lien entre les deux qui nous permet d'établir un verdict commun à ces deux choses-là, malgré qu'elles ne sont pas pareilles. Il y a un lien qui les rassemble. Et c'est ça qu'est-ce qu'on appelle le qiyas, c'est de faire un genre d'analogie entre ces deux choses. Et il y a qu'est-ce qu'on appelle arcane qiyas, des piliers du qiyas, et c'est les quatre termes dont je vous ai parlé, dont je vous ai mentionné les choses. Le premier, c'est al-asl. وهو يسمى المقيس عليه وهو الذي ورد النص على حكمه. Donc la base, c'est la chose sur laquelle on va se baser pour faire l'analogie. C'est la base parce que il y a un texte clair et explicite qui mentionne son verdict et son jugement dans la charia. Al-far' وهو يسمى المقيس. وهو ما يراد معرفة حكمه بطريق القياس. Donc la branche ou le far, c'est qu'est-ce qui est comparé ou qu'est-ce qui est utilisé, c'est-à-dire la chose au sujet de laquelle on cherche un verdict par le moyen du qiyas. Il n'y a pas de verdict clair à son sujet, donc on cherche un verdict en se basant sur une base. C'est pour ça qu'on l'appelle la branche en arabe. Après, al-hukm al-shar'i, ça c'est le troisième pilier de la définition du qiyas. Wa huwa alladhi yuradu ithbatuhu fil far'. C'est ce qu'on essaie d'établir au sujet de la branche, c'est-à-dire le verdict de la législation islamique à son sujet, puisqu'il n'y a pas un verdict explicite. Et le dernier pilier de la définition du qiyas, c'est al-illatu al-mushtarakatu bayna al-asli wal-far'i wa hiya allati li ajliha ya'khudh al-far' hukm al-asl. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un lien, une relation, une cause entre la base et la branche qui est commun. Une chose qui est en commun entre les deux, qui fait qu'on était capable par la suite d'établir le même verdict pour les deux, malgré qu'on a juste le verdict pour la base. Mais on ne connaît pas le verdict de la branche, mais il y a un lien entre la branche et la base qui fait qu'on est capable d'établir la relation qui fait qu'on pourra dire que ce verdict-là s'applique aussi à la branche. Donc ça, c'est ce qui clarifie la définition du qiyas. Il y a une note de bas de page ici qui est tirée de Rawdat al-Nawir de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi. C'est un livre de fiqh, un livre de usul al-fiqh. Parce que le sujet dont on est en train de parler maintenant, les bases de la charia, les bases du fiqh, ça c'est quelque chose qui est un des sujets d'étude du fondement du fiqh. Qu'est-ce qu'on appelle usul ou le fiqh. D'accord? Et, na'am. Et donc l'imam Ibn Qudama, dans Rawdat al-Nawir, il dit « Qila hukmuka ala al-far' bimithli ma hakamta bihi » في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما ومعاني هذه الحدود متقاربة وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة وليس بقياس ثم لا ينبني في العرف إلا عن بذل المجهود إذ من حمل خردلة لا يقال اجتهد وقد يكون القياس جليا لا يحتاج إلى استفراغ الوصل وبذل الجهد. Donc, le cheikh, ici, le point que j'aimerais juste noter par rapport à ce qu'il a dit ici, c'est que, bon, il donne d'autres façons de définir le qiyas, mais c'est des significations qui sont synonymes, qui ont le même sens. Mais il y a un point aussi où il mentionne que certaines personnes disent que le qiyas, c'est la même chose que l'ijtihad. Et le cheikh, il explique que l'ijtihad et le qiyas, c'est pas la même chose. C'est deux choses différentes, puisqu'il dit qu'il y a des formes de qiyas qui sont apparentes et claires, qui ne nécessitent pas de faire un effort pour connaître son verdict. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que l'ijtihad, c'est nécessairement un qiyas. L'ijtihad, ce n'est pas nécessairement un qiyas, d'accord? Les conditions du qiyas, c'est quoi les conditions? Il dit « Min ahammi shurut al-qiyas ma yali »« Awalan an yakuna al-asl hukman shar'iyan la lughawiyan »« Lianna al-lughad la yajri fiha al-qiyas » Donc premièrement, pour qu'on puisse faire un qiyas, il faut qu'il y ait à la base, son verdict soit établi par la législation, par la charia. non pas par la langue, parce que la langue, hein, on ne fait pas de prière sans se baser sur des bases linguistiques. C'est sur la base des preuves de la charia, Coran et Sunna. C'est là-dessus qu'on se base pour établir un verdict dans la charia par le qiyas et non pas par autre chose. Wa la deuxième condition, ثانياً أن يكون ثابتاً غير منسوخٍ. Il faut que la chose sur laquelle on se base pour établir l'analogie ou le qiyas, il faut que ce soit quelque chose qui est toujours valable et applicable, qui est établi dans la charia. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui a été abrogé. Par exemple, si ça a été abrogé, dans ce cas-là, on ne peut pas se baser dessus pour faire un qiyas, parce que c'est quelque chose qui a été abrogé. Troisièmement, un yakun hukm al-asl thabitan bi nassin min al-kitab aw as-sunna aw mujma'an alayhi. Donc le jugement, le verdict de la base, hein, la chose sur laquelle on se base pour établir l'analogie, il faut que ce verdict-là soit établi par un texte explicite du Coran, de la Sunna, ou quelque chose sur laquelle il y a un ijma. D'accord? On ne peut pas établir un qiyas sur une base qui n'a pas été établie, hein, dont le verdict n'a pas été établi par un texte explicite. ورابعاً أن تكون علة حكم الأصل موجودة في الفرع مع عدم وجود فارق أو مانع يمنع من تعدي حكم الأصل إليه وإلحاقه في حكمه. Donc, il faut que le lien entre le lien qui est établi entre le verdict de la base soit présent dans la branche. Il faut que le lien et la relation soient clairs, qu'elles soient présentes dans la base et dans la branche. Sinon, si par exemple, on va dire le verdict, la raison de l'interdiction, ou la raison dans le verdict de la base, il est présent dans la base, mais il n'est pas présent dans la branche, dans ce cas-là, on va dire qu'il y a une distinction, il y a une différence entre les deux, et donc, quand il y a une différence entre les deux, on ne peut pas faire d'analogie. Donc, c'est pour ça que des fois, tu vas voir les ulama, ils vont dire, à propos d'un qiyas, que c'est un qiyas qui est batil. Qiyasun batil. Ils vont dire ça, c'est un qiyas qui est faux. Pourquoi? Parce que tu fais une comparaison entre deux choses qui sont différentes et qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Donc, ils disent, par exemple, qiyasun ma'al-fariq. Tu fais une analogie entre deux choses qui sont complètement différentes. Tu ne peux pas faire d'analogie entre ces deux choses-là. Ou il y a un empêchement qui empêche le jugement ou le verdict qui est établi sur la base de s'appliquer à la branche et de le faire rejoindre, hein, le même verdict. Donc, il faut établir que le lien il faut que le lien entre la branche et la base qui a été établi soit un lien qui est réel et qui est présent dans les deux. Et qu'il y a pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit différent. Parce que si tu te bases sur quelque chose qui n'existe pas dans les deux, dans ce cas-là, ce ne sera pas un verdict qui est valable. Et on pourrait donner des exemples de faux qiyas à notre époque, que beaucoup de gens parmi les égarés, les gens de bid'ah, essaient d'établir parfois. Des fois, ils vont se baser sur quelque chose de haram, pour essayer de rendre halal quelque chose. Hein? C'est comme, je vais vous donner un exemple. Il y en a qui vont dire, puisque des gens se permettent de faire quelque chose qui est haram, dans un endroit, donc ça veut dire qu'il est permis de le faire dans un autre endroit. Ça c'est un qiyas à l'envers, c'est totalement tordu d'essayer de parler comme ça. C'est comme par exemple, il y en a qui vont dire, puisque, par exemple, à la Mecque, il y a des hommes et des femmes qui se mélangent ensemble dans la mosquée. Ouais, malheureusement, ça se produit, ça arrive, que des fois il y a des mélanges entre les hommes et les femmes dans certaines places, dans la mosquée à la Mecque. Donc, puisque ça se passe là-bas, donc ça veut dire que c'est permis de le faire ailleurs. Donc, pour établir une analogie entre les deux, il faut que le verdict au sujet de la base soit établi en premier. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit permis par un texte, hein, que la, si c'était permis par un texte de, que l'homme et les femmes se mélangent dans le haram, dans ce cas-là, on pourrait établir que c'est permis de le faire ailleurs. Mais à la base, il y a des textes qui prouvent l'interdiction de ce qui se passe actuellement. Donc, si c'est quelque chose qui est interdit, comment tu peux l'utiliser pour justifier que ça se produise ailleurs? Comme par exemple, certains qui disent, ouais, mais c'est, par exemple, il y en a qui vivent ici, dans la société ici, par exemple, société non musulmane. Ils disent, nous, on se mélange avec des non-musulmans, les non-musulmans, les hommes et les femmes, on se mélange dans les classes, à l'école, à l'université. Donc, si on le fait avec des non-musulmans ou avec des musulmans à l'université, pourquoi dans ce cas-là, quand on vient à la mosquée ou quand on fait des activités islamiques, pourquoi on ne se mélangerait pas puisqu'on le fait, hein, dans les classes à l'université, dans les études de la dunya? Donc, si un est haram, la base, elle est haram, déjà, ce que tu fais à l'université, ça c'est haram. Comment tu peux essayer d'utiliser ça comme argument pour justifier un haram ailleurs, au nom d'une activité qui est soi-disant islamique? Hein? Ça, c'est des genres d'analogie qui est totalement tordue. Et c'est plutôt le contraire qui est vrai. Et c'est ça que les ulama ont établi comme analogie qui est correcte, c'est que puisque dans les meilleurs lieux, les meilleurs endroits, on n'a pas le droit de mélanger l'homme et la femme. Dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait faire une porte spécialement pour les femmes, une porte pour les hommes. Et il a ordonné, il a dit par exemple aux femmes que les meilleurs rangs des femmes, c'est ceux qui sont plus en arrière. Et les meilleurs rangs pour les hommes, c'est ceux qui sont plus en avant. Donc ça veut dire que c'est pour les faire en sorte qu'ils soient de plus en plus écartés. En plus de ça, les femmes sortaient en premier, les hommes les laissaient partir pour rentrer à la maison, et les hommes sortaient par la suite. Hein? Donc il a séparé les hommes et les femmes dans les meilleurs endroits, l'endroit où on est le plus proche d'Allah. Alors si c'est ça, les ulama ils ont dit, si c'est comme ça, dans ce cas-là, si c'est obligatoire de séparer les hommes et les femmes dans le meilleur endroit, donc dans les autres endroits où les gens sont moins proches d'Allah, moins proches de l'adoration, c'est encore plus important de les séparer, puisque là ils sont plus proches du péché, hein? Et surtout dans les endroits publics et des endroits où ils risquent de dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne doit pas se baser sur qu'est-ce que les gens se permettent de faire pour essayer de rendre quelque chose halal. C'est pas parce que les musulmans ont été négligents par exemple sur certaines choses dans la religion et qu'ils se sont laissés aller et qu'ils ont pris certaines choses à la légère qu'on peut utiliser ça comme une preuve pour rendre la chose permissible dans l'islam. Hein? Parce que ce n'est pas les musulmans qui déterminent ce qui est licite ou illicite. Et ce n'est pas qu'est-ce que les musulmans pratiquent qui détermine qu'est-ce qui est islamique ou non. C'est qu'est-ce qui est déterminé par les textes de la révélation. C'est ça qui détermine si c'est permis ou non. Et c'est ça qui détermine si c'est islamique ou non. Pas qu'est-ce que les musulmans font. Les musulmans peuvent faire des choses qui sont totalement contraires à l'islam, qui sont bid'a ou qui sont haram. Et le fait qu'un grand nombre de musulmans le font, ça ne le rend pas islamique et ça ne le rend pas halal. C'est pour ça que les koufars ne comprennent pas aussi que c'est pas le nombre de musulmans qui décident que quelque chose est permis ou non dans la religion musulmane. Même si, par exemple, tous les musulmans qui habitent dans un pays se mettraient d'accord pour dire que oui, on va faire les choses de telle façon et que cette façon-là, elle est contraire au Coran, contraire à la Sunna, contraire à l'Ijma, eh bien, peu importe qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils signent ou qu'est-ce qu'ils se mettent d'accord pour le permettre, ça ne sera jamais accepté par l'islam et par les musulmans. Hein? Donc ça, c'est très important. C'est pas une religion qui est basée sur la démocratie où la majorité décide des règles. Non, c'est une religion qui est basée sur la révélation. Et donc, même s'il y avait juste une personne qui pratique ce qui est mentionné dans la révélation et que le reste, 1 million, est contre lui, c'est lui qui est, celui qui le fait tout seul, même s'il est, il y a 1 million qui est contre lui, c'est lui qui est sur la vérité, c'est lui qui est sur la vérité et qui s'accroche à qu'est-ce qui est vrai. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc le cheikh il dit ensuite, donc on a mentionné les conditions. Maintenant, hujjiyatul qiyas, c'est-à-dire les preuves par lesquelles les ulama ont déterminé que le qiyas fait réellement partie des preuves de la charia. Il dit alladhi alayhi jumhur al ulama an al qiyas aslun min usul al fiqh. Donc la majorité des ulama, ils sont d'accord pour dire que l'analogie, le qiyas, c'est un fondement parmi les fondements du fiqh. Mais il y a, c'est vrai, certains savants parmi les ulama qui ont par exemple rejeté le qiyas, ce qu'on appelle le madhhab de Daoud al-Zahiri, et c'est le madhhab qu'on appelle al-Zahiriya. Et ce madhhab, c'est un madhhab qui était qui existait surtout en Espagne à l'époque où l'Espagne était musulmane, mais qui existait aussi, qui a existé un petit peu dans différentes régions. Et parmi les ulama qui se sont attachés le plus à ce madhhab, il y a celui qu'on appelle Ibn Hazm al-Andalusi. Et il a écrit un livre qui s'appelle Al-Muhalla et Ihkam al-Ahkam, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est un madhhab qui ne reconnaît pas la validité de l'analogie, et ils ont été critiqués pour ça. Ils ont des positions qui sont bonnes dans certaines questions, mais ils ont été critiqués du fait qu'ils ont rejeté le qiyas, et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres savants les ont critiqués et ont réfuté leur position vis-à-vis du qiyas. Et c'est triste parce qu'il y a certains chercheurs ou certains soi-disant spécialistes non musulmans qui parlent d'Ibn Taymiyyah à tort et à travers parfois, et qui l'attribuent ou qui considèrent Ibn Taymiyyah comme faisant partie de ceux qu'ils appellent les Zahiriyyah. Alors que Ibn Taymiyyah n'a rien à voir avec al-Zahiriyyah, puisque Ibn Taymiyyah il réfute al-Zahiriyyah. Aussi, il y a une chose, il y a une erreur que certains font souvent, c'est de penser que ceux qu'on appelle les Zahiriyyah sont ceux que les kuffars appellent parfois les littéralistes. Ils ont dit, ah vous êtes des littéralistes, vous prenez le Coran et la Sunna au pied de la lettre, hein, vous basez sur qu'est-ce que le texte dit pour établir les règles. Et la réalité à ce sujet-là, ça c'est un des sujets qui est abordé dans les livres de Usul al-Fiqh, quand il parle de al-Nas al-Zahir ou al-Nas al-Mu'awwal. Ils expliquent qu'à la base, on doit prendre le texte dans son sens littéral. C'est comme ça dans l'islam. Mais le sens littéral, ça ne veut pas dire de prendre un verset tout seul ou un hadith tout seul et d'essayer de l'appliquer en dehors de son contexte ou en dehors des autres textes qui viennent le définir et le clarifier en détail. Donc si tu prends juste un verset tout seul et que tu vas l'appliquer, tu dis je prends le sens apparent, c'est pas le sens apparent, c'est une partie du sens apparent. Tu dois prendre tous les versets qui parlent de ce sujet-là ensemble et les hadiths qui viennent clarifier aussi ces versets-là pour en sortir avec un sens complet. Et là, dans ce cas-là, tu vas dire, oui, ça c'est le sens apparent. Et là, tu vas le mettre en application. Mais de prendre un verset tout seul, puis de l'appliquer sans regarder qu'est-ce que les autres versets et les autres hadiths ont mentionné au sujet de cette question-là, et que tu dis ça c'est le sens apparent, ou ça c'est le sens littéraliste, non, c'est pas le sens littéraliste, c'est une partie du sens. Hein? Et beaucoup d'égarés se sont égarés justement parce qu'ils n'ont pas compris ça. D'un côté, par exemple, à l'époque actuelle, les Khawarij, hein, la secte des Khawarij qui font le terrorisme actuellement dans le monde musulman, que ce soit Daesh ou bien Al-Qaïda et d'autres, ils se sont égarés justement à cause de ça. Ils prennent un verset, hein, et ils essaient de l'appliquer sans regarder ce que les autres versets mentionnent à propos de cette question-là et les hadiths, et qu'est-ce que les salafs ont compris de ces versets-là. Et tu as d'un autre côté les non-musulmans qui sont islamophobes et qui détestent l'islam, qui utilisent les égarements des Khawarij comme justification pour condamner et critiquer l'islam et les musulmans. Donc c'est comme si les deux, ils sont en train de jouer au même jeu, hein, et essayer de déformer le sens réel de la religion et de la révélation. Donc ayant dit ça, il faut comprendre donc que al-Dhahiriya, c'est pas ça que ça veut dire. Quand ils disent que Ibn Taymiyyah ou bien Muhammad ibn Abdul Wahhab, c'est des littéralistes, et qu'ils l'utilisent dans ce sens-là, c'est parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qu'est-ce que je viens d'expliquer, qu'est-ce que signifie en réalité de prendre le sens apparent et le madhab qu'on appelle al-Dhahiri, c'est deux choses différentes. Hein? Naam. Ensuite, il dit وَقَدْ دَلَّ عَلَى اَعْتِبَارِهِ دَلِيلًا شَرْعِيًا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ وَسَنُورِدُ بَعْضَ الْأَدِلَّةِ فِي مَا يَلِي. Donc il dit que parmi les preuves qui ont indiqué que on doit considérer le qiyas comme étant une preuve légale dans la sharia, il y a des réponses ou des preuves de ça dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans les paroles des sahaba également. Et on va mentionner certaines de ces preuves, hein, dans les exemples qui vont suivre. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Le cheikh, il mentionne quatre versets dans le Coran, et il mentionne ensuite trois hadiths et quelques paroles des sahaba pour établir que le qiyas fait partie des preuves de la sharia. Puis ensuite il va mentionner les paroles des ulama qui établissent le statut du qiyas dans le fiqh de l'islam. Donc on va lire ces versets là. Le premier verset, c'est le verset 2 dans surat al-Hashr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil absar. Et fa'tabiru, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il ordonne aux croyants de réfléchir et de prendre des leçons de qu'est-ce qu'on lit ou de qu'est-ce qu'on entend de la révélation et de qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de réfléchir, d'utiliser nos capacités intellectuelles pour être capable de tirer des leçons, puisqu'on est doué de clairvoyance. Donc il dit tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doué de clairvoyance, doué de compréhension, doué de science, c'est ça l'absar. Et un autre verset qui est mentionné également, c'est le verset 79 dans surat Yassin. Le verset 79 dans surat Yassin, il dit قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Donc, il fait allusion ici à la comparaison que Allah subhanahu wa ta'ala établit pour prouver aux mushrikins que Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire revivre les morts, et de les faire revivre après qu'ils sont devenus des ossements et de la poussière dans la terre. Donc, étant donné que les mushrikins ne croient pas en la résurrection, il leur donne un exemple et une comparaison à partir de quelque chose qu'ils connaissent de la dunya pour les faire réfléchir et pour les faire analyser la chose pour réaliser que c'est quelque chose qui est très facile à Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le sens que de la même façon que Allah subhanahu wa ta'ala il fait que les arbres et la nature ça sèche et meurt, puis qu'il fait tomber la pluie et il fait revivre ses plantes, il fait revivre les arbres par la suite, eh bien, puisqu'il est capable de faire ça, il est également capable de faire revivre les morts après leur mort au jour de la résurrection. Et puisque vous, les mouchriquins, qui reniez la résurrection des morts, vous êtes témoins comment Allah fait revivre la nature, comment Allah fait revivre les plantes et les arbres et la terre alors qu'elle était sèche et morte. Si vous êtes témoin de ça et vous croyez à ça, vous le voyez avec vos yeux, eh bien vous devez également faire l'analogie, hein, et être capable de faire la comparaison entre ça et qu'est-ce qui va se produire au jour de la résurrection, hein, lorsque Allah va faire revivre les morts qui sont devenus poussière et ossements. Que ça, c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une forme de qiyas. Ça, c'est une forme d'analogie aussi. Quand Allah, il compare qu'est-ce qui se passe dans cette vie, pour le comparer et pour donner un exemple par rapport à qu'est-ce qui va se produire au jour de la résurrection, ça, c'est une forme d'analogie aussi. Et donc, juste pour donner l'exemple par rapport à qu'est-ce qui est mentionné dans ce verset, on va le lire ensemble. Hein? Parce que dans Sourate Yassine, il y a un bel exemple de ça. Il dit dans le verset 177, أَوَلَمْ يَرَى الْإِنسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Hein? Donc il dit, l'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé à partir d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré. Il cite pour nous un exemple, hein? Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois, hein, réduits en poussière? Il en est dit, c'est qui, hein, celui qui les a créés la première fois, il leur redonnera la vie, hein? Et il se connaît parfaitement en toute création. Il était capable de les créer la première fois. Pourquoi il ne serait pas capable de les refaire encore une deuxième fois? Hein? Et souvent, le prototype, hein, c'est ça qui est plus dur à faire pour les créatures, pour les êtres humains. Qu'est-ce qui est plus dur? Le prototype. Ça veut dire, par exemple, ce téléphone-là. Hein? Le plus difficile à faire, c'est le premier modèle. Une fois que tu as créé le premier modèle, après, tu le mets sur la chaîne de production. Et puis, c'est juste reproduire qu'est-ce que tu as fait la première fois. Les autres, c'est l'assemblage. Et puis, c'est fini. Mais de fabriquer le premier modèle, le premier exemple, c'est ça qui est plus cher, c'est ça qui est plus dur. Ça, c'est pour les êtres humains. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui aurait été le plus dur si on compare avec qu'est-ce qui est plus dur pour les êtres humains? C'est de créer l'homme la première fois. Et de le recréer une deuxième fois, un deuxième modèle, hein, deuxième copie, hein, de cet homme, ça devrait être encore plus facile. Donc pourquoi il croit à la première création, mais il refuse de croire à la reproduction, ou le fait que Allah nous recrée encore une deuxième fois? Alors que pour les hommes, ils savent que c'est le contraire qui est, hein, le plus dur. Donc c'est des analogies. Tout ça, c'est des qiyas que Allah il établit pour dire, regardez comment vous jugez. Par exemple, l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran, lorsqu'il dit aux mushrikines, vous quand vous avez des filles, hein, vous avez honte et vous les enterrez vivantes dans la terre. Parce que vous ne voulez pas avoir, qu'on vous attribue des filles, vous ne voulez pas avoir de filles parce que pour vous c'est la gêne, c'est la honte. Pourtant vous n'avez pas la honte d'attribuer à Allah des filles, quand vous dites que les anges sont les filles d'Allah. Hein? Donc ça c'est des exemples pour dire, Comment vous pouvez permettre, hein, vous permettre d'attribuer ça à Allah alors que vous-même vous n'acceptez pas cette attribution-là? Donc c'est la contradiction. Allah il établit des analogies pour les faire réfléchir, pour les ramener à la raison, pour les faire comprendre la futilité de leurs arguments et pour leur faire comprendre la fausseté sur laquelle ils se basent, hein, pour essayer de justifier leur idolâtrie et leur shirk et leur kofr. Donc ça, c'est des exemples de qiyas aussi. Un autre exemple qui est mentionné, قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينهما. Donc dans l'autre verset, qui est le verset 17 dans Sourate Shura, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah, c'est celui qui a fait descendre le livre en vérité et la balance. Et le Cheikh, il explique que la balance, c'est ce par quoi tu peux peser les choses et par lesquelles tu peux comparer entre les deux, faire une analogie entre les deux, faire un lien entre les deux. La balance, c'est ça. C'est d'utiliser ta raison pour comparer entre deux choses et savoir laquelle est plus lourde que l'autre, et ainsi de suite. Tout ça, c'est du qiyas. C'est le qiyas. Hein? Un autre exemple aussi qui est mentionné, c'est le verset 104 dans Sourate Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدٌ فَشَبَّهَ اللَّهُ تَعَلَى إِعَادَةَ الْخَلْقِ بِبْتِدَائِهِ. Donc là, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Comme nous avons, Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme nous avons créé la créature la première fois, nous le refaisons encore. On va le recréer encore. Hein? On va le refaire encore une fois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il fait une comparaison avec le fait de refaire la création encore une fois, comme il l'a fait la première fois. Ça, c'est une analogie aussi, c'est un qiyas. Il dit, وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ فَشَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى إِحْيَاءَ الْأَمْوَاتِ بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ. Un autre exemple ici, il dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, qu'il dit, Allah est celui qui envoie les vents, qui pousse un nuage, et qui l'amène vers une contrée, ou une ville qui est sèche, asséchée, et on fait revivre la terre après sa mort, avec la pluie. C'est ainsi que sera la résurrection. Hein? La résurrection, le rassemblement au jour de la résurrection. Donc ça, c'est des analogies. Comment Allah il compare le fait de faire revivre la terre et le fait de faire revivre les morts. Hein? C'est une analogie entre les deux qu'Allah fait. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne beaucoup de paraboles comme ça. Et le but des paraboles, c'est de créer des analogies pour comparer des choses qu'on connaît avec des choses qu'on ne connaît pas, pour qu'on puisse faire des relations entre les deux et comprendre qu'est-ce qu'il va y avoir. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées par Allah subhanahu wa ta'ala au sujet du shirk, au sujet du chef des mouchriquins. Allah subhanahu wa ta'ala fait des analogies comme ça pour faire des paraboles, pour faire réfléchir les gens. Hein? Et on a fait un cours dans Tafsir Surat Al-Baqarah où Cheikh Al-Fawzan il donnait plein d'exemples de paraboles qui ont été mentionnées justement dans le Coran et comment ces exemples de paraboles nous faisaient comprendre en réalité l'analogie qu'il y avait pour réfuter la fausseté du shirk. L'exemple comment Allah subhanahu wa ta'ala il compare le shirk des mouchriquins avec la toile d'une araignée. Hein? Ou l'exemple comment Allah subhanahu wa ta'ala il compare celui qui adore d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un esclave qui a plusieurs maîtres et un esclave qui appartient à un seul homme. Hein? Donc, celui qui appartient à plusieurs maîtres en même temps, les maîtres ils sont obligés de se le partager. Hein? Tandis que le maître qui a un seul esclave, il est voué uniquement à ce maître-là. Il n'a pas besoin de se diviser en plusieurs pour servir chacun à chaque fois. Donc, il dit ça, c'est l'exemple de celui qui adore un seul, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui adore plusieurs en dehors d'Allah. Hein? Donc, plein d'exemples comme ça de comparaison, et tout ça c'est basé sur des exemples de qiyas. Donc, ça c'est une preuve du Coran qui établit que dans l'islam, oui, il y a l'analogie et le fait de comparer, d'utiliser la raison pour établir des relations entre des choses. ثانيا من السنة النبوية, des exemples de la sunna maintenant. قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، أرأيت لو كان أمك لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Muslim dans son Sahih. Et qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Il est rapporté également par Al-Bukhari, un hadith semblable. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est une femme qui est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour demander au sujet de sa mère qui était décédée, est-ce qu'elle pouvait jeûner pour elle les jours qu'elle n'avait pas jeûné du Ramadan, hein, avant sa mort. C'est-à-dire qu'après sa mort, c'est-à-dire quand elle est morte, il y avait des jours du Ramadan qu'elle n'avait pas jeûné, ou des choses comme ça qu'elle n'avait pas fini. Donc elle a demandé, est-ce que je peux jeûner pour elle ces jours-là? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu par une analogie. Il lui a dit, vois-tu, si ta mère avait une dette et que tu la repayais pour elle, est-ce que ça réglerait sa dette? Elle a dit oui. Alors il a dit, dans ce cas-là, jeûne pour ta mère. Donc il a utilisé l'analogie entre le fait de payer une dette pour quelqu'un qui est mort pour justifier le fait de yani, pouvoir jeûner pour quelqu'un qui est mort parce qu'elle avait une dette de jeûne. Hein, c'est comme s'il a comparé ça à une dette d'argent. D'accord? Ça c'est le premier exemple. L'autre exemple qui est mentionné, رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجْ فَلَمْ تَحُجْ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قال نعم حجي. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاديته أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. Donc ici c'est la même chose, un autre exemple, sauf que c'est un autre cas, une femme de Juhayna qui est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui a dit, ma mère avait fait un vœu, hein? Elle a fait un vœu, un serment, que, yani un vœu pieux qu'elle allait faire le hajj, mais elle est morte et elle n'a pas pu le faire. Est-ce que je peux faire le hajj pour elle? Et il lui a répondu de la même manière. Hein? Il lui a dit, vois-tu, hein, oui, fais le hajj pour elle. Vois-tu si ta mère aurait eu une dette, est-ce que tu l'aurais payée à sa place? Et elle a dit dans ce cas-là, il a dit dans ce cas-là, yani, règle cette dette envers Allah, parce que Allah mérite plus qu'on respecte ses engagements. Et il dit un autre exemple, ma ruwiya anna rajulan ata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasul Allah wulida li ghulam aswad فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق أو من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. فقال فلعل ابنك نزعه عرق. Ici, c'est une autre analogie qui a été mentionnée du fait qu'un homme est venu voir le messager d'Allah et il dit au messager d'Allah, ma femme, elle a accouché d'un enfant noir. Et il est surpris parce que lui, il n'est pas noir et sa femme, elle n'est pas noire. Donc, comment elle a pu accoucher d'un enfant noir? Donc, il soupçonne sa femme d'avoir été infidèle ou bien d'avoir fait cet enfant-là avec quelqu'un d'autre. Alors, il est allé voir le messager d'Allah. Il lui a dit, oh messager d'Allah, ma femme a enfanté un enfant noir. Alors il a dit, est-ce que tu as des chameaux? Il a dit oui. Il a dit, quelles sont leurs couleurs? Il a dit, ils sont rouges. Il a dit, est-ce qu'il n'y en a pas d'entre eux qui ont d'autres couleurs parfois? Il a dit oui. Il a dit, et comment tu expliques ça? Il a dit, peut-être que c'est des gènes ou quelque chose, hein? Le sang ou quelque chose comme ça. Alors, le prophète ensemble lui a répondu de la même façon. Il a dit, peut-être que c'est la même chose qui est arrivée par rapport à ton enfant. Et ça, c'est possible. Hein? Génétiquement, c'est possible. Si dans ta famille, parmi tes ancêtres, il y en avait qui étaient foncés ou qui avaient d'autres traits, hein, ou d'autres gènes, eh bien, que certains de ces gènes-là reviennent plus tard. Et on a vu ça, des parents noirs qui ont des enfants blancs, des parents blancs qui ont des enfants noirs, ça peut arriver. Et de toute façon, on vient tous de Adam, alayhi salam, à la base. Hein? Donc, ça, c'est des choses possibles. Et ça, c'est un hadith qui est authentique, rapporté par, Al-Bukhari et Muslim. Ça, c'est un exemple d'analogie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. L'exemple dans les paroles des sahaba, قول عمر رضي الله عنه في كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء ثم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة ثم قياس الأمور عندك ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. Donc il dit la parole de Omar radiallahu anhu dans son livre, dans sa lettre qu'il a écrite à Abu Musa al-Ash'ari, parce qu'Abu Musa al-Ash'ari était un de ses c'est-à-dire il fait partie des maires, des députés de Omar ibn al-Khattab qui est responsable d'une région parmi les régions des pays musulmans. Donc, il envoie des lettres, des consignes à ses ministres ou à ses députés qui gèrent d'autres régions. Et parmi les exemples, il lui envoie un exemple au sujet du jugement de la cour quand il a des causes à juger entre les gens. Donc, il lui dit, ensuite, la compréhension dans ce que tu as reçu et dans ce que tu connais de ce qui n'est pas dans le Coran, ce qui n'est pas de la Sunna, puis ensuite fais des analogies entre les choses pour comparer, hein, fais des comparaisons et des paraboles, et base-toi sur ce que tu vois qui est le plus aimé pour Allah et qui est plus proche de la vérité, qui ressemble plus à la vérité. Donc il lui enseigne que si jamais il y a quelque chose, il n'y a pas de référence explicite dans le Coran ou dans la Sunna à ce sujet-là, dans ce cas-là, tu te bases sur l'analogie et tu cherches à être le plus proche possible de la vérité et de ce que Allah aime. L'exemple, ça c'est tiré de Akhbar al-Qudat ou al-Ahkam al-Sultaniya et c'est cité également par Ibn al-Qayyim dans I'lam al-Muwaqqi'in. Il dit aussi une autre citation, قياسهم خلافة أبي بكر رضي الله عنه على إمامته في الصلاة. C'est-à-dire que les Sahaba, ils ont également fait une analogie par rapport au khilafa de Abu Bakr. Ok? Pour déterminer que c'était lui qui devait être le khalifa après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont basés sur quoi? Ils se sont basés sur le fait que avant sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné à Abu Bakr de diriger les musulmans dans la prière. Et donc, ils ont dit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était malade, la personne qu'il a désignée pour le remplacer dans la mosquée comme imam, c'était lui, Abu Bakr. Donc, c'était comme pour dire qu'il voulait que ce soit lui son successeur dans le khilafa, dans la direction de la Ummah, après sa mort. Ok? qu'il voulait que ce soit lui l'imam, l'imam des musulmans après sa mort. Et donc ils ont fait l'analogie entre le fait qu'il était imam dans la prière avec le fait d'être imam dans le pouvoir politique après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un exemple de qiyas aussi. Un autre exemple c'est qiyasuhum qital mani' az-zakat ala tarki as-salat. Ça c'est un exemple aussi qui a été fait par Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un groupe parmi les bédouins, parmi les musulmans qui refusent de payer la zakat. Ils disent, nous on payait la zakat comme un tribut au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie. Maintenant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort, on n'a plus besoin maintenant de payer la zakat. Alors Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu a dit, non, je vais les combattre jusqu'à ce qu'ils payent la zakat. Et il a fait une analogie entre ceux qui refusent de payer la zakat et ceux qui refusent de faire la salat. Il a dit, s'ils ne payent pas la zakat, c'est comme s'ils ne voulaient pas faire la salat. C'est la même chose. Donc il a fait une analogie entre les deux. Et c'est un des arguments qu'il a mentionné pour justifier le fait de combattre ceux qui refusent de payer la zakat. Maintenant, on a terminé de mentionner les exemples dans le Coran, dans les hadiths et dans les paroles des sahaba. Maintenant, le cheikh, il mentionne des paroles des ulama qui expliquent le statut et l'importance du qiyas dans le fiqh islamique. Et il faut comprendre que le qiyas, c'est quelque chose qu'on utilise ou auquel on doit avoir recours en cas de nécessité. C'est pas quelque chose qu'on doit avoir recours constamment. Parce que c'est seulement lorsqu'il n'y a pas de texte clair et explicite qu'on doit y avoir recours. Et il y en a qui, parmi les musulmans, ont exagéré dans le qiyas, au point même de faire du qiyas en se basant sur un qiyas. C'est-à-dire qu'ils font l'analogie d'une analogie. Et là, ça devient compliqué. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui fait la traduction d'une traduction. C'est-à-dire, un livre, par exemple, est en arabe, quelqu'un le prend et le traduit en anglais. Toi, tu prends la traduction anglaise, tu la traduis en allemand. L'autre, il prend la traduction allemande et il traduit en chinois. Hein? Donc, déjà, ça veut dire que tu te bases sur des choses qui ne sont pas l'original pour traduire. Donc, ça veut dire que ça se peut qu'en chinois, la personne qui va lire le livre en chinois, là, il ne va pas lire la même chose que ce qui était écrit à la base dans le livre d'origine. Pourquoi? Parce que chaque fois, la personne se base sur une traduction. Et la traduction, parfois, elle n'est pas nécessairement fidèle dans la façon d'exprimer les idées et de traduire les expressions. Alors, tu perds, à chaque fois, tu perds un petit peu de l'origine. Après chaque traduction. Donc, c'est un petit peu comparable à ça. L'analogie par une analogie. Ça devient à la fin quelque chose qui a plus de sens. Et il y en a parmi les musulmans à une certaine époque, en particulier le madhhab qu'on appelle le madhhab Hanafi, hein, le madhhab de Abu Hanifa, qui avait beaucoup recours au qiyas. Et une des raisons pourquoi ils avaient beaucoup de recours au qiyas, c'est parce que dans la région où Abu Hanifa, rahimahullah, vivait, il y avait beaucoup de fabricateurs de hadiths, des gens qui fabriquaient des faux hadiths. Et ils étaient devenus très stricts dans les conditions pour accepter des hadiths. Étant donné qu'ils étaient très stricts, il y a beaucoup de hadiths qu'ils refusaient, ils avaient donc peu de hadiths, ils utilisaient à la place le qiyas et l'analogie. Et c'est devenu quelque chose qui était devenu exagéré à la fin, et c'est pour ça qu'ils les ont appelés Ahlul Ra'i. C'est-à-dire ceux qui se basent sur le qiyas et les opinions et la raison et la logique et qui mettent ça au-devant des textes du Coran et de la Sunna. Parce qu'ils faisaient des analogies sur des questions sur lesquelles existaient déjà des textes qui ont été mentionnés explicitement sur ces questions-là. Donc, eux, ils arrivaient avec les textes, ils disaient, vous avez fait une analogie sur ça. Il y a déjà un hadith qui parle de ça explicitement et qui contredit ce que vous dites. Et eux, ils préféraient suivre l'analogie que de suivre le texte. Alors c'est pour ça qu'on les a appelés les gens du Ra'i. Les gens du Ra'i, c'est-à-dire les gens qui se basent sur leurs opinions, qui se basent sur leurs jugements, qui se basent sur leurs analogies, plutôt que de revenir au texte. Et les autres, on les a appelés Ahlul Hadith. Ahlul Hadith, pourquoi? Parce qu'ils se basent sur le Hadith. Et les autres, ils se basent sur le Qiyas. Hein? Donc là, ça devenait quelque chose de blâmable dans ce cas-là. Mais n'empêche que le Qiyas, s'il est fait dans les règles et qu'il est fait selon les conditions, c'est quelque chose qui est permis, c'est quelque chose qui est en accord avec l'islam, qui est une des ressources de la révélation et de la religion. Donc le cheikh, il explique ça, il dit « Al-Qiyas ou aslun min usul al-fiqh al-islami wa masdarun la yastaghni anhu wa yajuz al-ta'addud bihi aqlan wa shar'an wa huwa waqi'un shar'an » Il dit donc que le qiyas, l'analogie, c'est une base parmi les fondements du fiqh islamique et c'est une référence, hein, une source et une référence dont on ne peut pas se passer et il est permis de l'utiliser comme yani, référence pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec. Et ça, c'est établi par la raison et par la législation et c'est quelque chose qui hein, existe réellement dans la charia. Et il dit, قال الإمام أحمد لا يستغني عن القياس أحد. C'est-à-dire une citation de l'imam Ahmad ici qui dit que personne ne peut se passer du qiyas. Personne ne peut se passer du qiyas. Il dit ولذلك فإنه إذا كان القياس جهة من جهات العلم وطريقا من طرق التعرف على الأحكام فالذي يصح له أن يقيس هو العالم بأحكام كتاب الله وفرضه وأدبه وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه والعامل بالسنة والعالم بالسنة وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب ولا بد مع ذلك أن يكون صحيح العقل يفرق بين المشتبه ويعجل بالقول دون التثبت ولا يعجل بالقول بدون التثبت ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه وعليه في ذلك بلوغ جهده والانصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما ترك وترك ما ترك. Donc il explique le cheikh ici que c'est pour ça que le qiyas est une des voies de parmi les voies de la science. Et c'est une façon, parmi les façons, pour connaître les règles de la religion. Et il dit que c'est seulement le savant, celui qui a les connaissances des règles de l'islam, qui peut le faire. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui peut se permettre de faire des qiyas, des analogies. Et la raison pourquoi des fois on entend de la part de certains toutes sortes de qiyas farfelues, qui n'ont rien à voir avec la réalité, surtout de la part de certains modernistes, et certains rationalistes, c'est parce qu'ils n'ont pas de base pour faire le qiyas. Et le cheikh, il donne des exemples. Et je pourrais vous donner un exemple de ça. Quelqu'un, par exemple, qui dit... des exemples que j'ai entendus modernes. Quelqu'un qui interdit, qui veut interdire la polygamie, et il dit, la polygamie, c'était parce qu'à l'époque, il y avait des guerres. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, donc on n'a plus besoin de la polygamie. Alors que, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus de guerre aujourd'hui? Hein? Il y a encore des guerres. Et est-ce que, yani, on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire ça qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y avait des guerres, il y avait la polygamie, maintenant il n'y a plus de guerre? Les guerres d'aujourd'hui, elles sont plus meurtrières que les guerres de l'époque. Déjà. Donc, il y a plus de morts dans ces guerres-là que les guerres d'aujourd'hui. Une seule bombe, ça peut tuer une ville au complet. Tous des habitants. Donc comment tu veux dire qu'on n'a plus de guerre aujourd'hui, puis donc on n'a pas besoin de la polygamie? Ça c'est des exemples d'analogies qui sont totalement faux. Ou quelqu'un qui dit, le porc c'était interdit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que les gens ils ne le gardaient pas propre. Mais maintenant, on a des endroits, on les garde propres, donc maintenant c'est permis le porc. Ajib. Est-ce que ça c'est mentionné dans le Coran? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans la sunna, si le porc il est propre, c'est halal. Déjà, le porc propre, ça se peut pas. C'est comme si tu dis, un porc qui est propre, C'est contre sa nature. Le porc, il aime la saleté. Il aime vivre dans la saleté. Hein? Et même si tu essaies de le garder propre, il ne va pas être pur. Il y a une différence entre la propreté et la pureté aussi. La pureté, elle est dans la viande, dans le corps même, dans les os, dans la graisse du corps. Elle est dedans, en lui-même, l'impureté. Donc même si tu le laves avec tout le savon du monde, il va rester impur quand même. Donc ça, c'est des analogies complètement ridicules. Est-ce que les gens n'étaient pas capables de laver le corps à l'époque du professeur Al-Sallam pour qu'il soit propre, ou de le garder dans un endroit puis de le nettoyer? Ça, c'était possible à cette époque-là aussi. Malgré ça, ils l'ont interdit. Et puis c'était interdit également par d'autres prophètes, comme à l'époque de Moussa al-Salam. L'interdiction du porc, elle est claire, même dans le livre des Juifs et des Chrétiens aujourd'hui. Donc comment essayer de chercher ce genre d'analogie ridicule pour essayer de permettre des choses qui sont clairement interdites dans l'islam? Donc c'est le genre de paroles qu'on entend de la part de certains égarés aujourd'hui qui n'ont jamais appris l'islam chez les ulamas et qui sortent avec ce genre d'analogie complètement ridicule qui n'a rien à voir avec l'islam, rien à voir avec la logique et la raison. Un autre exemple aussi, quand le cheikh il explique les connaissances nécessaires chez le savant pour qu'il puisse faire des analogies. Donc il donne l'exemple, il dit, il faut que la personne soit un savant des règles du livre d'Allah. Il faut qu'il sache qu'est-ce qui est obligatoire, et il faut qu'il sache qu'est-ce qui a été abrogé dedans, qu'est-ce qui est abrogeant, qu'est-ce qui est général, qu'est-ce qui est particulier. Il faut qu'il connaisse la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths qui sont authentiques, les hadiths qui sont da'if. Hein? Il faut qu'il connaisse les paroles des salafs, il faut qu'il connaisse le consensus des savants, les divergences des savants entre eux, pourquoi ils ont divergé. Il faut qu'il connaisse les bases de la langue arabe, la grammaire, hein? Et tout ce qui a rapport avec ça, pour comprendre la parole d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'il ait aussi une raison qui est saine, une bonne raison, une façon de réfléchir qui est bonne, une intelligence. Il faut qu'il soit capable de distinguer entre ce qui est équivoque et ambigu. Il ne faut pas qu'il se précipite à dire une position avant de vérifier. Il ne faut pas qu'il refuse d'écouter ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il faut également qu'il fasse son effort pour chercher la vérité et d'être honnête avec lui-même pour savoir celui qui a une position et d'où est-ce qu'il l'a pris, et savoir pourquoi il a pris ce qu'il a dit, pourquoi il a dit ce qu'il a dit, pourquoi il a laissé ce qu'il a laissé, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est assez rigoureux, qui demande beaucoup de science et de connaissances pour arriver à le faire. وقال الثعالبي الفاسي إن أصول الفقه وإن كملت في الزمن النبوي ففروعه لم تتم بعد ولا انتهاء لها أبدا ما دامت الحوادث. ولما كان استيعاب جميع الفروع الفقهية وأعيان الوقائع الجزئية والإحاطة بجميع أحكامها وإنزال شريعة بذلك لا يسمه ديوان ولا تطيقه حافظة الإنسان مع جواز وقوعه عقلا لطف الله بنا لطف الله بنا فأنزل العمومات لتستنبط منها المسائل الخاصة بالاندراج، وأنزل المسائل الخاصة ليقاس عليها ما يماثلها في علة الحكم أو يشابهها، ووكل إلى نبيه تدريب الأمة على الاجتهاد والاستنباط ليحصل لهم ثواب الاجتهاد الذي جعله من أفضل العبادات ودليل كمال النفس والفكر، وتحصل ثمرة الفهم والعقل الذي أكرم الله به الإنسان. فكان صلى الله عليه وسلم يمرنهم ويرشدهم إلى الاجتهاد، كقوله له لما سئل عن الحمير: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فبين لهم بهذا الجواب كيفية اندراج الجزء في الكل، وأن العام حجة، وأنه يعمل به قبل البحث عن المخصص. وكذلك قوله للرجل الذي قال له: إن زوجتي ولدت غلاما أسود، يريد أن يلاعنها: هل لك من إبل حمر فيها يعني جمل أورق؟ قال: نعم. نزعه عرق؟ قال: فكذلك عسى أن يقول نزعه عرق، يعني يشير له إلى قياس الشبه. Donc on va traduire cette partie. Et Al-Tha'alibi, Al-Fasi, il explique que les fondements du fiqh ont été complétés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ces branches n'ont pas été complétées encore. Parce qu'il y a toujours des nouveaux événements qui se produisent. Et ça, c'est des choses qui vont se produire sans fin. C'est-à-dire, il y aura toujours des nouvelles affaires qui vont se produire, qui vont arriver. Et il ne peut pas y avoir des livres. Allah ne pouvait pas révéler une charia qui mentionne tous les cas de tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on n'aurait pas eu la possibilité de garder ça et de mémoriser tout ça. Parce qu'il y a toujours des nouvelles affaires qui se passent. Même si c'était possible que Allah fasse descendre un livre qui a tout mentionné dedans, mais ça aurait été vraiment compliqué et difficile à mémoriser et à préserver. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il dit, il nous a donné des principes de base, des fondements, des choses générales, desquelles on est capable d'extraire des verdicts spécifiques par rapport à chaque différente situation ou différentes choses qui peuvent se produire, pour qu'on puisse faire des analogies et établir des relations et des liens entre les choses qui sont similaires entre les deux. Et il a établi donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aidé ses compagnons à se pratiquer, à faire ces analogies-là et à faire cet effort-là pour essayer d'extraire des verdicts en leur montrant les règles, et aussi que ça fait partie des choses qui font partie des plus grandes formes d'adoration, et que c'est une des preuves de la perfection de la pensée et de l'esprit. Et il dit que c'est le fruit de la compréhension et de l'intelligence que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme pour l'honorer. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il encourageait ses compagnons et il les faisait se pratiquer à faire des analogies et à faire ce genre d'ijtihad. Et il donne un exemple, il dit lorsqu'il a été questionné à propos de l'âne ou al-hamir, et il dit: ma anzala Allah alayya fiha illa hadhihi al-ayat al-jami'at al-fadda. Il dit: Allah ne m'a rien révélé à son sujet excepté ce verset qui est général. Et il a cité le verset dans sourate al-zalzala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quiconque fait une bonne action ou le poids d'une atome de bien, il le verra. Quiconque fait une atome de bien le verra. Donc il leur a expliqué par cette réponse comment, à partir d'une preuve générale, il peut extraire un verdict ou une réponse à un problème spécifique et particulier. Et il dit: وَأَنَّهُ يَعْمَلُ بِهِ قَبْلَ الْبَحْثِ Donc, il peut l'appliquer avant même de chercher qu'est-ce qui est spécifique ou particulier ou qui rend la chose particulière. Un autre exemple, c'est l'exemple qu'on a donné tout à l'heure de l'homme qui est venu pour se plaindre que sa femme avait accouché d'un enfant noir et il voulait la divorcer en fait. Hein? Il voulait l'accuser d'adultère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un exemple avec une analogie en comparant avec les animaux, avec les chameaux par exemple. Comment des fois parmi les chameaux, il y a un qui sort qui n'est pas la même couleur. Tu vois, des moutons, ils sont tous blancs, puis il y en a un qui sort, il est noir. Comment ça se fait? Alors, l'homme qui est venu, il connaît, il connaît une explication à ça. Donc, il dit, c'est peut-être al-irq, yani, c'est-à-dire qu'il a donné l'explication selon ce qu'il connaissait, donc il a dit, peut-être c'est une question de sang ou quelque chose comme ça. Et le prophète s'en souvient, dit, donc dans ce cas-là, c'est peut-être la même chose ce qui est arrivé dans ce cas-là. En voulant dire, divorce pas ta femme pour ça, c'est des suspicions, des doutes, des suppositions, yani, tu ne dois pas la divorcer pour des choses pareilles. Il dit, وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ لِلْحَسَنِ كَخِنْ كَخِنْ إِنَّ آلُ مُحَمَّدْ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةِ يعني يمرنه مع صغره على معرفة الحكم بدليله يعني كقوله لعائشة ولجويرية في اللحم الذي تصدق به على بريرة هو لها صدقة ولنا هدية وهذه أحاديث في الصحيح. Donc il dit comment il disait à Hassan. Hassan c'est le fils de son cousin. Le fils de son cousin qu'il a eu avec sa fille. Donc c'est son petit-fils. C'est son petit-fils. Et il dit à son petit-fils, Kachin, Kachin. En voulant dire comme quand tu dis à un petit enfant, Yannick, que pour lui dire quand il veut prendre quelque chose, que c'est, tu veux lui faire comprendre que c'est sale, que c'est mauvais, hein? Des fois les petits enfants, nous ici, bon, en tout cas ici en français, on a l'habitude de dire sans dire non, mange pas ça, c'est caca, mange pas ça, pas bon, hein? Malgré que c'est pas ça vraiment, mais pour que l'enfant sache que c'est sale. Hein, il prend quelque chose par terre, il le met dans sa bouche, tu dis non, ça c'est caca, c'est sale, c'est pas bon. Donc c'est comme s'il disait à Hassan, kachin, kachin, c'est pas bon, hein, yark, jette ça. Parce que nous, la famille de Mohammed, on ne mange pas la sadaqa. Pour nous, c'est comme si c'était des choses sales. Pour nous, on n'a pas le droit de manger ça, c'est comme si c'était des choses sales. On n'a pas le droit de le manger, de le prendre. Parce qu'il avait pris quelque chose de la sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, pour notre famille, nous on n'a pas le droit. La famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le droit de manger ça. C'est sale. Donc c'est une analogie. Il est tout petit, mais en lui disant ça de cette façon, il est capable de comprendre le verdict avec sa preuve. Il donne l'exemple aussi à Juwayriya, Aïcha radiallahu anha, avec Juwayriya qui était sa servante. Il dit la viande qui avait été donnée en sadaqa à Barira. Barira qui était son esclave. Et qu'elle l'a libérée par la suite. Donc, il dit, la viande pour elle, c'était une sadaqa. Pour nous, c'est un cadeau. Parce qu'elle a reçu la viande en sadaqa. Et une fois que c'est à elle, elle peut le donner à qui elle veut. Une fois qu'elle reçoit une sadaqa, elle peut le donner à qui elle veut. Donc, elle le donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a le droit de le manger. Même si c'était à la base une sadaqa qui était donnée à Barira, parce que une fois qu'elle est en sa possession, maintenant ça devient sa propriété, elle peut le donner en cadeau, et le cadeau c'est permis. Mais la sadaqa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le droit de la prendre, mais le cadeau oui. C'est ça la différence. Il a dit, وَكُلُّ ذَلِكَ تَمْرِينٌ لَهُمْ عَلَى الْإِجْتِهَادِ وَهَذَا عَاشِرُ الْأَدِلَّةِ عَلَى ثُبُوتِ اجتهاد الصحابة في عصره عليه الصلاة والسلام كما أنه دليل على قياسهم خلافا للظاهرية وحاشى الصحابة أن يكونوا جامدين وحاشى الشريعة العامة الدائمة أن تأمر بالجمود، والله يقول ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والصحابة مقتدون في الاجتهاد بالرسول صلى الله عليه وسلم. Le cheikh il explique comment, donc il dit c'est, voici comment, des exemples comment ils se sont pratiqués à faire l'ijtihad, et ça c'est parmi les preuves qui établissent que les sahaba ont fait l'ijtihad et que ça c'est quelque chose qui fait partie de l'islam, et ils l'ont appliqué à son époque, et comme c'est une preuve également pour l'établir, contrairement à ce que je disais tout à l'heure de ce qu'on appelle les zahiriyas. Le madhab zahiri, eux, ils nient le qiyas. Ils disent donc, les sahaba, ils n'étaient pas rigides, mais ils n'étaient pas, le terme c'est jamid, c'est quelque chose qui est, comme c'est quelque chose qui est comme endurci, qui est devenu ferme, qui ne veut plus bouger, qui n'est pas flexible. Quelque chose qui n'est pas flexible, qui est comme... Il y a un terme qu'on emploie pour traduire cette expression-là. Attendez juste un instant. C'est pas quelque chose qui... C'est ça. Les sahaba, ils n'étaient pas rigides. Rigides dans ces questions-là ou immobiles. Ils étaient flexibles par rapport à les questions qui se présentaient, les nouvelles questions qui se présentaient. Et ils n'étaient pas comme... figé dans le temps ou dans l'espace par rapport à ces questions-là, puisque la charia, elle est toujours capable d'accepter ou d'adapter des nouvelles choses qui se présentent et de déclarer et d'éclairer les croyants au sujet de ces nouvelles choses qui sont apparentes, qui arrivent chez les musulmans. Donc il mentionne le verset dans Sourate An-Nisa, le verset 83, qui dit, et s'il l'aurait renvoyé, c'est-à-dire l'information, il l'avait ramené aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui peuvent extraire les verdicts de ces événements-là auraient su comment gérer cette information-là. Donc, la notion de istinbat, c'est-à-dire de faire l'extraction des verdicts à partir des textes, c'est quelque chose qui existait chez les sahaba, et ils ont suivi l'exemple de l'ijtihad du messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de comment le messager leur a enseigné de faire ça, de faire des analogies et ainsi de suite. Il dit « Wa hunaka masadir ukhra lil fiqh al-islami kal adilla al-mukhtalafu fiha » والقواعد الأصولية والفقهية وسيأتي الحديث عنها في مصادر المذاهب الأربعة إن شاء الله. Donc le cheikh il dit qu'il y a d'autres sources ou références pour le fiqh islamique, mais c'est des preuves sur lesquelles il y a divergence entre les savants. Ces quatre qu'on a mentionnés, ces quatre là, les savants sont d'accord sur ça. Il n'y a pas de divergence sur ces quatre. Mais il y en a d'autres dans certains madhabs, il y a d'autres références et d'autres sources que certains utilisent, au sujet desquelles certains savants n'ont pas été d'accord, et donc ça on va les voir. Il y a aussi les règles des règles fondamentales du fiqh et de la sharia, donc on va les voir aussi. C'est des principes qui nous aident à comprendre le verdict de certaines choses, même si on n'a pas une preuve spécifique à son sujet. On va tout expliquer ça dans les cours précédents. Mais comme l'exemple dans le madhab de l'imam Malik par exemple, lui il considérait comme une référence après le Coran, après les hadiths, après l'ijma, il considérait que les actions des gens de la ville de Médine considéraient que c'était une preuve dans la charia. Il dit pourquoi? Parce que les gens, les musulmans ont vécu longtemps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la ville de Médine, donc ils connaissent des choses de la religion. Et donc si on regarde quelque chose qui est fait à Médine, que tout le monde le fait, ça veut dire que ça fait partie de l'islam. Donc il se basait là-dessus comme argument pour prouver certaines choses de, la, hein, de l'islam. Et certains autres savants, eux, ont considéré que non, ce n'était pas une preuve. Donc, ils n'étaient pas tous d'accord là-dessus. Et dans d'autres madhhab, il y a certains éléments comme ça que certains savants considèrent comme une référence et d'autres ne les considèrent pas nécessairement. Ou bien aussi, c'est des fois, c'est par rapport à l'ordre d'importance. C'est-à-dire que certains savants, par exemple, vont donner une importance plus grande à certains éléments, comme par exemple la parole des sahaba. Est-ce que c'est une source dans la charia ou non? Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Le hadith qui est da'if, il y en a par exemple qui vont dire est-ce qu'on va le prendre comme référence ou non? Est-ce qu'on peut pas le placer par exemple avant le qiyas, hein, par exemple? Donc il y a des exemples comme ça. On va arriver, quand on va parler des quatre madahib et de leur référence dans le fiqh, on va mentionner ces questions-là, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.